Gladys Knight sur RGM, pile 8h36, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 28 mai 1931, naissance de Carol Baker, actrice américaine connue pour son rôle mythique de femme-enfant dans le film Baby Doll. 1944, naissance de Gladys Knight, chanteuse américaine. C'est également l'année de naissance de Jean-Pierre Léo, acteur français vu dans Matahari, masculin, féminin ou encore Personne ne m'aime. 1947, naissance de Bernard Mabille, humoriste français. 1956, naissance de John Wells, producteur américain des séries Urgence, New York 911 ou encore à la Maison Blanche. 1962, naissance de François-Henri Pinault, célèbre homme d'affaires français. C'est également l'année de naissance de James Michael Tyler, acteur américain connu pour le rôle de Gunther, le gérant du Central Perk, le coffee shop, dans la série Friends. 1966, naissance de Roger Campbell, réalisateur, scénariste américain des films Sex Intention 1 et 2. 1968, naissance de Kylie Minogue, chanteuse et également actrice australienne, vue au cinéma dans Moulin Rouge ou encore San Andreas ou encore dans la série télé Numbers. 1971, naissance d'Isabelle Carré, actrice française, vue dans Le Hussard sur le Toit, Beaumarchais, L'Insolent, Les Enfants du Marais, Se souvenir des belles choses dans le rôle de Claire Poussin, récompensée par le César de la meilleure actrice. 1972, naissance de Chiara Mastroianni, actrice française, vue dans Prêt-à-porter dans le rôle de Sophie Choiset, Les chansons d'amour ou encore Les salauds. 1974, naissance de Romain Duris, acteur français, connu pour son rôle de Tomasi dans Le Péril jeune, vu dans Mémoire d'un jeune con, d'Obermann, connu pour son rôle de Xavier Rousseau dans L'Auberge espagnole, ainsi que les suites, Les poupées russes et Casse-tête chinois. Il a interprété Arsène Lupin dans le film du même nom, vu dans De battre mon cœur s'est arrêté dans le rôle de Tom, L'arnaqueur dans le rôle d'Alex Lippi, L'écume des jours dans le rôle de Colline ou encore dans le film Iris. 1978, naissance de Sylvie Tellier, femme d'affaires française qui fut Miss France 2002. 1979, naissance de Jesse Bradford, acteur américain qui a joué le rôle de Balthazar dans Roméo et Juliette, vu dans Mémoire de nos pères de Clint Eastwood dans le rôle de René Gagnon ou encore W, l'improbable président. 1983, naissance de Megaline Etchinkewook, actrice américaine, vu dans la série télé 24 heures chrono dans le rôle de Nicole Palmer, That 70 Show dans le rôle d'Angie Barnett, Les 4400 dans le rôle d'Isabelle Tyler, Les Experts Miami dans le rôle du docteur Tara Price et aussi dans Supernatural, Beverly Hills Nouvelle Génération ou encore Arrow. 1985, naissance de Colby Kayat, chanteuse américaine. C'est également l'année de naissance de Carey Mulligan, actrice américaine, vue dans Orgueil et Préjugés dans le rôle de Kitty Bennett, Public Enemies, Wall Street, L'Argent ne dort jamais dans le rôle de Winnie Jane Coe et dans Gatsby le Magnifique, version 2013, dans le rôle de Daisy Buchanan. 1991, naissance d'Alexandre Lacazette, footballeur français qui de 2010 à 2017 a joué à l'Olympique Lyonnais et depuis 2017 il joue à Arsenal. En 2010, on apprenait le décès de Gary Coleman, acteur américain connu pour son rôle d'Arnold Jackson dans la célèbre série américaine Arnold et Willy. Et en 2017, on apprenait le décès de Jean-Marc Thibault, acteur humoriste français, vu dans Les Bidas au pensionnat, Mon curé chez les nudistes, la série télé Maggie dans le rôle de Georges Boissier ou encore Terre Indigo dans le rôle de Léon Bousquerol. Allez, tout de suite, nouvelle pause avec Kylie Minogue et son titre Can't Get You Out of My Head. Kylie Minogue sur le 107 FM, un peu plus de 8h43, on fait un point météo. La météo. Et aujourd'hui, ce sera une journée nuageuse et pluvieuse, des températures comprises entre 11 et 12 degrés ce matin, entre 15 et 16 degrés pour cet après-midi. Mercredi, ce sera le retour du soleil avec tout de même quelques nuages, des températures comprises entre 8 et 9 degrés le matin, entre 17 et 18 degrés prévues pour demain après-midi, et jeudi, journée ensoleillée également avec quelques petits nuages, des températures comprises entre 11 et 12 degrés le matin, entre 17 et 18 degrés prévues pour jeudi après-midi. Allez, on fait un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on va parler bien évidemment tennis avec Roland Garros et ça s'est plutôt bien passé côté tricolore hier, enfin en tout cas pour les messieurs. La qualification de Joe Wilfried Tsonga en 4-7 face à Gojovzik, 7-6, 6-1, 4-6, 6-3. Richard Gasquet s'est qualifié en 3-7 face à Misha Zverev, 6-3, 6-4, 6-3. Pierre Hugerbert nous a fait une remontada à la Nicolas Mahut. Il a pris exemple sur son copain la veille. Pierre Hugerbert était mené 2-7-0 face à Medvedev, tête de série numéro 12. Et au final, c'est le tricolore qui s'impose en 5-7, 4-6, 4-6, 6-3, 6-2, 7-5. La qualification de Benoît Paire en 4-7 face à Copil, 6-4, 6-7, 6-0, 6-1. La qualification de Gilles Simon en 3-7 face à Stavkovski, 6-3, 6-3, 6-4. La qualification de Corentin Moutet en 3-7 face à Vatutin, 6-4, 7-6, 6-4. En revanche, l'élimination de Janvier en 3-7 face à Cuevas, 6-4, 6-4, 6-2. L'élimination de Müller en 3-7 face à Karabayes Baena, 6-4, 6-4, 6-2. Et le match de Jérémy Chardy et de Kylian Moon a été interrompu. Il y a 2-7 partout et 5 partout dans la cinquième manche. Le match reprendra donc aujourd'hui. Dans les autres résultats, Rafael Nadal s'est logiquement imposé en 3-7 face à Hanfmann, 6-2, 6-1, 6-3. Qualification logique également pour Novak Djokovic en 3-7 face à Urkaz, 6-4, 6-2, 6-2. Dominique Thiem a bataillé face à la wildcard Paul. Il s'est imposé en 4-7, 6-4, 4-6, 7-6, 6-2. Stan Wawrinka s'est qualifié lui aussi en 4-7 face à Govalik, 6-1, 6-7, 6-2, 6-3. Et Coric qualifié en 4-7 face à Bedene, 6-1, 6-7, 6-4, 6-4 et à noter l'élimination de la tête de série numéro 20, Chapovalov. Au programme d'aujourd'hui, on a 6 Français sur les cours, enfin 7 avec Jérémy Chardy. Il y a également Gaël Monfils face à Daniel, Lucas Pouille opposé à Bolelli, Manarino à Travaglia, Barère à Ebden, Ben Chetrit à Nori et Hoang à Dzoumour. Il y aura également Alexander Zverev opposé à Milman, Del Potro à Jarry, un duel 100% italien entre Fonini et Seppi, Bautista Agut affrontera Johnson, Kachanov se repose à Stebe. Et voilà pour les messieurs. Côté féminin, la joie est venue de la toute jeune Paris qui s'est imposée en 2-7. Elle a 16 ans. Elle s'est imposée face à Lapko, 6-2, 6-4. En revanche, élimination de Pauline Parmentier face à Bertens, tête de série numéro 4. Elle s'est inclinée en 2-7, 6-3, 6-4. Élimination d'Alizé Cornet. C'était plutôt un match à sa portée, mais elle s'est inclinée en 2-7 face à Kuzmova, 6-4, 6-3. Et élimination d'Albi en 2-7 face à Diaz, 6-2, 6-2. À noter l'élimination de Wozniacki, tête de série numéro 13, face à Kudermotova en 3-7, 0-6, 6-3, 6-3. Le forfait avant la rencontre de Kvitova, une autre tête de série qui passe à la trappe. L'élimination également de Gorge, tête de série numéro 18, qui s'est inclinée en 2-7 face à Kanepi, 7-5, 6-1. Serena Williams qui s'est fait bien peur face à Diachenko. L'américaine s'est imposée en 3-7. Hein, elle a mal commencé la rencontre en perdant le premier set 6-2. En revanche, après, elle a déroulé 6-1, 6-0. Barty s'est imposée en 2-7. 7 face à Pegula, 6-3-6-3, qualification 2-7 de Sevastova et qualification en 3-7 de Suarez à Navarro. Aujourd'hui, 4 Françaises sur les cours. Caroline Garcia affrontera Bartel, Paquet se reposer à Linette, Gianni Sijovic, c'est bien une Française, affrontera Świątek et Tan se reposer à Anisimova. Il y aura également Osaka opposée à Zmiedlova, Alep à Tomjanovic, Keys à Rodina, Ostapenko à Azarenka, Sabalenka à Sibulkova, Bouchard à Tsurenko. Voilà pour Roland Garros aujourd'hui. Et on termine cette actu avec du hockey sur glace, la finale des playoffs de NHL qui a débuté cette nuit. Et c'est Boston qui s'est imposé dans le premier match, 4-2 face à Saint-Louis. Allez, tout de suite, dernière pause musicale, Colby Kayat en duo avec Jason Mraz sur le titre Lucky. Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky? Oh my baby, I'm trying. Boy, I hear you in my dreams, I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart, you make it easier when life gets hard. Lucky I'm in love with my best friend, lucky to have been where I have been, lucky to be coming home again. I wish we had one more kiss. I'll wait for you, I promise you I will. Lucky I'm in love with my best friend, lucky to have been where I have been, lucky to be coming home again. Lucky we're in the sea to an island where we'll meet. You'll hear the music, feel the air, I'll put a flower in your hair. Though the breezes through the trees move so pretty, you're all I see. As the world keeps spinning round, you hold me right here, right now. Lucky I'm in friend, lucky to have been where I have been, lucky to be coming home again. Lucky we're in love in every way, lucky to have stayed the way we have stayed, lucky to be coming home someday. Et voilà, Colby Kayat, Jason Mraz avec le titre Lucky sur RGM. Avant de faire un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui, on fait un point sur des événements qui ont lieu dans la région. Femme. Il est toujours possible d'aller voir l'exposition Femme les mardis, mercredis et jeudis de 13h30 à 17h30 et ce jusqu'au 6 juin 2019. Cette exposition donne un aperçu de la vie des femmes de jadis. Morceaux de vie quotidienne et grands faits historiques font renaître des existences trop souvent méconnues. Penchons-nous sur ces reflets de femmes que nous racontent les archives. C'est donc, je le rappelle, jusqu'au 6 juin de 13h30 à 17h30 les mardis, mercredis et jeudi. L'entrée est gratuite et pour plus de renseignements, vous pouvez contacter l'organisme au 03 29 62 59 04. Mercredi 29 mai à 20h30, soirée exceptionnelle au cinéma de Plombières-les-Bains. En effet, soirée court-métrage en présence de trois réalisateurs, dont Rémi Allier, lauréat du César du meilleur court-métrage 2019, avec la participation du lycée Lumière de Luxeuil. Ça se passe donc mercredi 29 mai au cinéma de Plombières-les-Bains. À 20h30, un apéritif vosgien est proposé dès 20h. Merci à Chris et Lia pour nous présenter les événements qui ont lieu dans notre belle région. Allez, 8h54, on fait un point donc sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. À 9h, ce sera Durablement Vôtre. À 13h30, la rediffusion de Minute Bonheur avec Lia. 16h, rediffusion de Jukebox. 20h, vous retrouverez Michel pour La Parole est à vous. 22h, J'aime et je vous le lis avec Dominique. 23h, 20 Flight Rock de la radio web nancéenne. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Excellente journée à tous. Bye bye.